Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Cominatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house, jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et images par Cominatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Bonsoir mes amis auditeurs de Radio Méditerranée Var, il est 17h, c'est jeudi, donc ça doit être le moment du son de l'underground, une petite lucarne électronique dans cet océan des années 80, funk et disco, mais quand même. Voilà, quoi vous dire, eh bien, il n'y a pas beaucoup de, bien sûr, de news au niveau des événements et autres. C'est comme ça, quoi. Le plus bel événement en ce moment, c'est le nouveau studio, pour ceux qui sont sur la caméra, là, sur Facebook ou sur YouTube, que nous avons ici à Radio Méditerranée. Un beau travail de Seb et de Bernie, quand même. Ça fait plaisir, des lights, du bon son, de l'espace, on peut bouger, on peut danser même derrière les platines, c'est un truc de ouf. Ce soir, je vais vous proposer 3 heures de spécial techno good vibes. Je crois que je vais rentrer dans un format comme ça, je vais vous mettre 3 heures de quelque chose à partir de maintenant, parce qu'une heure de ci, une heure de ça, après pour communiquer, il y a des gens qui aiment ci, il y a des gens qui aiment ça, enfin voilà. Comme ça, quand vous trouvez ce que vous aimez, vous en avez 3 heures, une grosse tranche. Donc ce soir, c'est de la techno, mais de la techno good vibes. Good vibes, c'est un concept que j'ai avec mon pote David R, un DJ aussi ici et pas que, avec qui on a des projets, on a fait déjà des choses ensemble, mais bon, on a des projets pour l'avenir un petit peu plus sérieux. Et restez au courant de ce label Good Vibes, il n'est pas que techno, c'est une labellisation de musique qui entraîne et qui ont du Good Vibes dans différents styles, dans de la house, dans de la disco, dans de la tech house, mais c'est que des morceaux qui s'écoutent facilement. Donc ce soir, c'est de la techno qui va démarrer lentement, qui peut être aussi des fois très mélodique et qui va gentiment monter en puissance jusqu'à 20h. Voilà, donc je vous propose 3 heures en ma compagnie. Pour ceux qui ont Facebook et YouTube, on est en direct sur les écrans, quoi vous dire, la création donc Sutronic, ça commence à se préciser, on a une programmation qui tient la route maintenant sur 7 jours, 24 heures sur 24, chaque jour a son thème, je vous l'avais déjà dit, le week-end c'est 100% mix, ça s'enchaîne en permanence, ça part de mix doux jusqu'en pleine nuit, voilà, ça envoie du lourd. Pour comprendre un petit peu comment ça se passe, on a créé aujourd'hui une page Facebook Sutronic ainsi qu'un groupe Sutronic, Sutronic Radio exactement, parce qu'il y aura le Sutronic Festival. Et même si c'est deux entités, frères et sœurs, ce sera quand même deux annonces et deux, comment dire, deux fonctions différentes, hein. Un festival et une radio, c'est pas pareil, mais on est sur le même ton. Donc les artistes que vous trouvez en radio, on aura une grande chance de les voir en festival. En tout cas, voilà, la page Sud Radio, Sutronic Radio, et le groupe aussi Sutronic Radio, je vais inonder comme je peux, mais allez déjà voir si ça vous intéresse. Vous avez toujours de toute façon sur radioméditerranée.com, vous avez un player, et puis sur l'application Radio Méditerranée, vous avez un onglet où il y a plusieurs chaînes, et il y a aussi Sutronic. On devrait recevoir bientôt une appli dédiée, et là donc on pourra aussi être directement sur Sutronic. Voilà, quoi vous dire, et bien écoutez, on est aussi sur Insta maintenant, sur Instagram. Voilà, on va être joignable plus facilement, le groupe va servir à ça, ça va être un lien entre la radio, les auditeurs et les artistes. Et voilà, petit à petit on a monté une ossature, on va faire rentrer du monde et rendre cette radio de plus en plus ludique et de plus en plus interactif dans le monde entier, car on est sur le web et il faut en profiter. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour l'instant, je me suis auto-saoulé même. Donc voilà, je vais direct passer aux platines, c'est ce que je sais faire de mieux je pense. Allez, à tout à l'heure. We'll be right back. should have done it long ago. I was too proud, I was too blind. I think about you all the time. I think about you all the time. To be a part again.

I'll die in your arms.